Le bonhomme alla droit à Eugène, qui restait pensif dans un coin, et le prit par le bras. « Venez !» lui dit-il d'un air joyeux. « Vous ne savez donc pas ce qui se passe ?» lui dit Eugène. « Vautrin était un forçat que l'on vient d'arrêter, et le fils Taillefer est mort. »« Eh bien, qu'est-ce que ça nous fait ?» répondit le père Goriot. « Je dîne avec ma fille, chez vous, entendez-vous ? Elle vous attend, venez !» Il tira si violemment Rastignac par le bras, qu'il le fit marcher de force, et parut l'enlever, comme si c'eût été sa maîtresse. « Dis non !» cria le peintre. En un moment, chacun prit sa chaise et sa tabla. « Par exemple, dit la grosse Sylvie, tout est malheur aujourd'hui. Mon haricot de mouton s'est attaché. Bah, vous le mangerez brûlé. Tant pire !» Madame Vauquer n'eut pas le courage de dire un mot en ne voyant que 10 personnes au lieu de 18 autour de sa table. Mais chacun tenta de la consoler et de l'égayer. Si d'abord les externes s'entretèrent de Vautrin et des événements de la journée, ils obéirent bientôt à l'allure serpentine de leur conversation et se mirent à parler des duels, du bagne, de la justice, des lois à refaire, des prisons. Puis ils se retrouvèrent à 1000 lieues de Jacques Collin, de Victorine et de son frère. Quoiqu'ils ne fussent que 10, ils crièrent comme 20 et semblaient être plus nombreux qu'à l'ordinaire. Ce fut toute la différence qu'il y eut entre ce dîner et celui de la veille. L'insouciance habituelle de ce monde égoïste qui, le lendemain, devait avoir dans les événements quotidiens de Paris une autre proie à dévorer, reprit le dessus, et Madame Vauquer elle-même se laissa calmer par l'espérance qui emprunta la voix de la grosse Sylvie.